Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 72. Du sacrement de confirmation. Définition de la confirmation. Matière et forme de ce sacrement. Caractère qu'il imprime. Il suppose le baptême. De la grâce qu'il confère. Tous les fidèles doivent le recevoir. Obligation du confirmé, du parrain, du ministre, et du rite de ce sacrement. 1. La confirmation est-elle un sacrement? Le pape Melchiade écrivait aux évêques d'Espagne, « Vous demandez quel est le plus grand sacrement de celui qui est donné par l'imposition des mains de l'évêque, ou du baptême ? Sachez qu'ils sont l'un et l'autre de grands sacrements. Puisque les sacrements de la loi nouvelle sont destinés à effectuer les différentes applications de la grâce, il y a un sacrement spécial là où la grâce doit produire un effet spécial. Le monde matériel nous aidant à concevoir le monde spirituel, une chose visible va nous servir, à cet égard, d'analogie. De même qu'il y a pour notre corps, outre la génération qui lui donne l'existence, une force d'accroissement par laquelle, arrivant à sa perfection, il devient capable des actes de l'âge mûr, selon cette parole de l'apôtre. Lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, 11. De même, il y a, pour notre âme, outre le baptême, qui est la régénération spirituelle, un autre secours par lequel nous parvenons à l'âge parfait de la vie spirituelle. Ce secours, c'est la confirmation. Le pape cité plus haut a dit à son sujet, l'Esprit Saint, qui, par sa descente sur les eaux du baptême, leur donna le pouvoir de nous purifier, nous accorde, dans la confirmation, une force supérieure. Le baptême nous enfante à la vie spirituelle, la confirmation nous fortifie pour les combats. Il est évident dès lors que la confirmation est un sacrement spécial. Note. On ne voit pas dans l'Écriture, dira quelqu'un, que Jésus-Christ ait institué un tel sacrement. Jésus-Christ, il est vrai, n'a pas institué directement la confirmation en la conférant, mais il l'a instituée en la promettant par ses paroles, « Si je ne m'en vais pas, le Paraclète ne viendra point à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. La raison pour laquelle il l'a instituée par une simple promesse, c'est qu'on y reçoit la plénitude de l'Esprit Saint, qui ne devait pas être donné avant l'ascension, selon ce qui est écrit, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. À ceux qui refuseraient à la confirmation le titre de sacrement, par la raison que le salut est possible sans elle, il est aisé de répondre quel est du nombre des sacrements qui nous facilitent la voie du ciel, et sans lesquels on peut être sauvé, pourvu que le mépris ne soit pas la cause de leur omission. D'autres objecteront peut-être que le Christ n'a pas été confirmé. Le Christ, qui avait reçu dès le premier instant de sa conception la plénitude de la grâce et de la vérité, n'avait nul besoin de la confirmation. Il nous en notifia néanmoins les effets, le jour de son baptême, quand le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme sensible. Aussi l'évangéliste se sert-il de cette expression, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. » Luc 4, 1. Fin de la note. 2. Le crème est-il la matière qui convient pour la confirmation? Le crème convient pour la matière du sacrement de confirmation. En effet, L'huile d'olive représenterait bien la grâce du Saint-Esprit. On y mêle du baume, afin que les confirmés puissent dire avec l'apôtre, « Nous sommes devant Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 2, 15. Note. Le Christ a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres sans recourir au sacrement de confirmation. Cela est vrai, mais c'était en vertu de son pouvoir supérieur, pour marquer que les apôtres recevaient les prémices du Saint-Esprit. D'ailleurs, le feu et la forme d'une langue ne sont pas sans analogie avec l'huile et le baume. L'huile est l'aliment du feu, la langue édifie les fidèles par la doctrine de la foi. Il est certain que l'Esprit Saint descendait visiblement sur les fidèles lorsque les apôtres prêchaient, on le voit par ces paroles de Saint Pierre, « Quand j'eus commencé à parler, l'Esprit Saint descendit sur eux, comme il descendit sur nous au commencement. » Actes des Apôtres 11, 15. Là où des signes sensibles étaient produits miraculeusement par la puissance divine, il n'était pas besoin d'une matière sacramentelle. Nous apprenons de Saint Denis que, quand ces signes surnaturels n'apparaissaient pas, les apôtres eux-mêmes se servaient du crème pour conférer la confirmation. Fin de la note. 3. Faut-il, pour la validité de ce sacrement, que le crème ait été consacré par l'évêque? Il faut considérer que le Christ, de qui découle toute vertu sanctificatrice, a communiqué à certaines matières, par l'usage même qu'il en a fait, l'aptitude nécessaire au sacrement. Les hôtes du baptême, dit très bien Saint Chrysostome, n'auraient point la vertu d'effacer les péchés, si le contact de sa chair ne les avait sanctifiés. Il en est de même du pain qui sert de matière à l'Eucharistie. Ayant été béni par lui, il n'a plus besoin de l'être, on le bénit pour la solennité du sacrement, et non pour sa validité. Mais comme le Christ, pour ne point faire injure à l'onction invisible dont il a été moins plus excellemment qu'aucun autre homme, n'a pas fait usage des onctions visibles, on doit bénir le crème et l'huile sainte des infirmes avant de les employer pour la matière des sacrements. Cela est nécessaire pour la validité de la confirmation et de l'extrême onction. 4. Cette formule, « Je te marque du signe de la croix, et je te confirme par le crème du salut, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, convient-elle pour le sacrement de confirmation ? » Elle convient très bien, et voici pourquoi, puisque la confirmation nous donne le Saint-Esprit, afin de nous fortifier dans les combats spirituels, sa forme doit énoncer trois choses, la cause qui confère la plénitude de la force spirituelle, la Sainte Trinité, et de là ses paroles, au nom du Père, etc. La force spirituelle conférée à l'homme pour son salut par le signe d'une matière visible, ce que le ministre indique lorsqu'il dit, je te confirme par le crème du salut, enfin, le signe donné aux combattants, et c'est là ce qu'exprime la première partie de la formule, « Je te marque du signe de la croix, du signe par lequel notre roi a triomphé. » Note. Nous l'avons déjà remarqué, la plénitude du Saint-Esprit, qui est l'effet de ce sacrement, était quelquefois donné par les apôtres sous certains signes visibles que Dieu produisait miraculeusement. Alors ni la matière ni la forme de la confirmation n'étaient nécessaires. Dieu est assez puissant pour communiquer l'effet d'un sacrement sans le sacrement lui-même. Mais, quelquefois aussi, les apôtres donnaient la confirmation en qualité de ministre, et, dans ce cas, il se servait d'une matière et d'une forme, conformément à l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est certain qu'il pratiquait, En conférant les sacrements, beaucoup de cérémonies qui ne se lisent pas dans leurs écrits. La tradition sacrée les enseignait sans éclat. Fin de la note. 5. Le sacrement de confirmation imprime-t-il un caractère? La confirmation ne se réitère pas, donc elle imprime un caractère. Le caractère est une puissance spirituelle qui a pour fin certaines actions saintes. Le baptême, qui nous enfante à la vie chrétienne, en imprime un en nous. La confirmation, par laquelle notre âme est conduite à l'âge parfait de la vie spirituelle, nous en imprime un autre. Elle nous confère, non pas seulement, comme le baptême, ce qu'exige notre propre salut en tant que nous vivons en nous-mêmes, mais la force nécessaire pour combattre les ennemis de notre foi, à l'exemple des apôtres qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, sortirent du cénacle où ils étaient en prière, et ne craignirent plus désormais de confesser hautement la foi du Christ. Note. Tous les hommes ont à combattre contre les ennemis invisibles du salut. L'office propre des confirmés est de confesser publiquement par leurs actes et par leurs paroles le nom de Jésus-Christ en face des ennemis ou des persécuteurs de la foi. C'est sous ce rapport que le sacrement de confirmation imprime un caractère. Fin de la note. 6. Le caractère de la confirmation présuppose-t-il celui du baptême? Le caractère du baptême est d'une telle nécessité pour celui de la confirmation, que si quelqu'un était confirmé sans avoir été baptisé, le sacrement de confirmation n'aurait nul effet. La confirmation est au baptême ce qu'est la croissance à la génération. Autant il est impossible d'arriver à l'âge parfait si l'on est d'abord né, autant on ne peut être confirmé avant la régénération spirituelle du baptême. Note. Mais, la puissance divine n'étant pas enchaînée au sacrement, il se peut que, sans la confirmation, la force spirituelle, nécessaire pour confesser publiquement la foi, soit donnée à quelqu'un. De même que la rémission des péchés est parfois accordée sans le sacrement de baptême. Observons seulement que, comme on ne reçoit jamais l'effet du baptême sans le désir, on ne reçoit pas non plus l'effet de la confirmation sans le vœu, qui peut exister avant le baptême. Il n'est pas nécessaire que ce désir soit explicite. On a vu des personnes non baptisées confesser la foi du Christ, en versant leur sang. Toutefois, recevoir l'effet de la confirmation, ce n'est pas en recevoir le sacrement même. Celui-ci présuppose toujours le caractère du baptême. Fin de la note. 7. Le sacrement de confirmation confère-t-il la grâce sanctifiante? Le Saint-Esprit est donné dans la confirmation pour fortifier l'homme baptisé. Or, la première partie de cet ouvrage, question 43, de la mission des personnes divines, nous a montré que la mission ou le don du Saint-Esprit ne s'accomplit jamais sans la grâce sanctifiante. Nous devons en induire que la confirmation confère la grâce sanctifiante. Note. La grâce sanctifiante a pour premier effet la rémission des péchés, mais cet effet n'est pas le seul. Elle fait passer l'homme depuis le degré le plus inférieur de la perfection jusqu'à celui de la vie éternelle, comme on le voit par ses paroles, la grâce de Dieu est la vie éternelle. Romains 6, 23. Il en résulte qu'elle consiste aussi dans l'accroissement et l'affermissement de la justice. Telle est la grâce sanctifiante que l'on reçoit dans la confirmation. Quoique ce sacrement remette accidentellement à celui qui s'en approche sans feinte les péchés dont il n'a pas conscience et ceux dont il n'a pas une contrition parfaite, il n'a cependant été institué que pour les adultes qui sont en état de grâce. Fin de la note. 8. Faut-il donner la confirmation à tous les chrétiens? Il est dans les desseins de Dieu de conduire chaque être à sa perfection, on le voit par la nature elle-même, qui dirige vers l'âge adulte tous les êtres organisés que la mort ne prévient pas avant ce temps. C'est pourquoi l'âme, née spirituellement par le baptême, doit arriver par la confirmation à l'âge parfait de la vie spirituelle. Or, cet âge, elle peut l'atteindre dans la jeunesse, non moins que dans la vieillesse, car, étant immortelle, elle n'est pas assujettie au développement du corps. Il faut, en conséquence, donner la confirmation à tous les chrétiens. Note. Il serait très dangereux, dit Hugues de Saint-Victor, de sortir de cette vie sans être confirmé, non que l'on dût être donné dans le cas où ce ne serait pas par mépris que l'on eût omis de recevoir ce sacrement, mais on serait dénué de sa propre perfection. Les enfants marqués de ce signe du salut jouissent dans le ciel d'une plus grande gloire que les autres, et sur la terre ils reçoivent une grâce plus abondante. Fin de la note. 9. Doit-on confirmer sur le front? Il faut donner la confirmation sur le front, en le marquant du signe de la croix avec le crème, et cela pour deux raisons. Le signe de la croix est pour le chrétien confirmé ce qu'est pour le soldat le signe de son chef, il doit être apparent, or le front est la partie la plus visible du corps. La crainte et la honte qui empêchent de confesser hautement le nom de Jésus-Christ y apparaissent plus qu'ailleurs. Le signe de la croix, que l'on y marque avec le saint crème, rappelle aux chrétiens confirmés qu'il ne doit ni pâlir, ni rougir, quand il faut confesser le nom du Christ. 10. Faut-il que le confirmé soit tenu par un autre? Tel que le nouveau-né est formé par quelqu'un aux habitudes de la vie, tel que le soldat est dirigé par un maître qui lui apprend l'art militaire, ainsi le confirmé doit être tenu par un autre comme pour être formé au combat du Seigneur, jusqu'à ce qu'il sorte de la faiblesse de l'enfance spirituelle. Aussi, sur le point d'être enrôlé dans la milice chrétienne, il est présenté à l'évêque, comme au chef d'une armée, par un soldat du Christ. Note. La coutume de donner un par un aux confirmés ne s'est pas maintenue dans tous les diocèses, le grand vicaire en tient lieu. Fin de la note. 11. L'évêque a-t-il seul le pouvoir de donner la confirmation? La perfection dernière de chaque œuvre est réservée à la puissance supérieure, ainsi les lettres écrites par un secrétaire sont signées par le pape. Les fidèles du Christ sont, comme tels, une œuvre divine, selon cette parole, vous êtes l'édifice que Dieu construit. 2 Corinthiens 3:3. D'un autre côté, le sacrement de confirmation est, à certains égards, la perfection dernière du sacrement de baptême, il fait la dédicace d'une maison déjà construite, qui devient le temple de l'Esprit Saint, où, si l'on aime mieux, il appose la croix, comme signature, sur une lettre écrite par un autre sacrement. Pour cette raison, son administration est réservée aux évêques, qui ont dans l'Église le pouvoir le plus élevé. Voilà ce qui faisait dire au pape Urbain Ier, tous les fidèles, après leur baptême, doivent recevoir le Saint-Esprit de la main des évêques, afin de devenir parfaits chrétiens. Note. Quoi qu'il en soit, le pape, qui a dans l'Église la puissance suprême, pourrait autoriser un prêtre à donner la confirmation. Saint Grégoire le Grand accorda ce privilège à certains prêtres qui habitaient dans des lieux privés d'évêques. Le baptisé et le confirmé reçoivent une onction du Saint-Crème, Le premier sur la tête, le second sur le front. Celle du baptisé, faite par le prêtre, signifie que le Saint-Esprit descend sur lui pour le consacrer comme la demeure de Dieu. Celle du confirmé, faite par l'évêque, annonce que la grâce septiforme du Saint-Esprit lui est communiquée avec la plénitude de la sainteté, de la science et de la vertu. Fin de la note. 12. Le rite de la confirmation est-il convenable? Il faut tenir pour certain que la sagesse du Christ dirige les institutions de l'Église, et croire fermement que les rites observés dans l'administration de tous les sacrements sont convenables. Note. Si l'époque n'est pas désignée pour l'administration de la confirmation, cela tient à ce que les évêques, qui en sont les seuls ministres ordinaires, ne peuvent pas être présents dans tous les lieux où les prêtres baptisent. Quant aux dispositions du corps, les conciles d'Orléans et de Meaux ont prescrit d'être à jeun pour donner ou recevoir ce sacrement, mais, comme un seul évêque, si le temps était limité, ne suffirait pas, surtout dans un vaste diocèse, pour confirmer toutes les personnes qui se présentent. L'Église tolère qu'on ne suive pas cette règle, bien qu'il soit plus convenable de s'y conformer quand on le peut facilement. Le jeudi saint est bien choisi pour la consécration du crème, parce que tous les sacrements sont en quelque sorte subordonnés à l'Eucharistie, qui fut instituée en ce jour. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.